podcast La Première. Vous le savez, samedi 1er mai, c'était la fête du travail. Les discours politiques de Jodogne à Beaudour et ailleurs. Mais c'était aussi la journée internationale de la guérilla tournesol. C'est une opération massive de plantation clandestine de graines de tournesol dans la ville, en plein cœur de l'espace urbain. À Bruxelles, l'opération a été coordonnée par le collectif Brussels Farmer. Bilan de cette action menée samedi après-midi avec Christophe, l'un des membres du Brussels Farmer. Il est au micro de Xavier Van Bugenhout. Le rendez-vous était à 13h, place Poulard, donc au palais de justice, où là, en fait, nous faisions la distribution de graines. Donc, il y a eu quand même vraiment pas mal de gens qui sont passés chercher leurs graines pour planter dans leur quartier. Et puis, d'autres personnes qui sont restées avec nous pour constituer des groupes et sillonner un peu les rues de Bruxelles et planter dans les espaces un peu abandonnés, quoi. Vous aviez uniquement communiqué par Internet ou par des petites affiches ou... Bah disons que c'est la cinquième année qu'on fait ça, donc maintenant il y a les habitués, et puis on a créé un groupe sur Facebook, on a un blog, et donc il y a pas mal de communication qui se passe par ce biais-là, et aussi évidemment par le bouche à oreille, quoi. Et vous étiez combien à peu près à préparer à aller planter ces graines ? Oh ben, en Belgique, en tout cas parce que le mouvement s'est un peu étalé un peu partout dans le monde maintenant. En Belgique, il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues chercher des graines, puis d'autres qui ne pouvaient pas venir qui s'en sont procurées elles-mêmes, et puis d'autres qui sont restées avec nous. On était une bonne vingtaine, quoi. Et vous n'avez planté que des tournesols ? Que des tournesols, oui. Pour justement avoir le côté visibilité en même temps de notre groupe, et puis... c'est vrai, on nous a posé la question, pourquoi au 1er mai vous plantez pas du muguet ? Mais le tournesol, c'est une plante qui est visible. Le but aussi, c'est que les gens qui passent en voiture puissent les voir. Parce qu'effectivement, si c'est des petites plantes de 10 cm, c'est pas très visible, quoi. Donc là, en fait, ça met une touche de jaune bien en hauteur. Donc, Et le 1er mai, c'est la première plantation de l'année ou il y en a d'autres ? Comment ça se passe ? Ben, le 1er mai, en fait, c'est le point de ralliement. Après, les gens... continuent à planter de leur côté jusqu'à fin juin, parce que sinon elles n'ont pas le temps de fleurir, quoi. Est-ce que beaucoup de tournesols que vous plantez restent, ils ne sont jamais arrachés par les autorités ou par... C'est plus ou moins 10% de réussite. Donc chaque année, on en plante plus ou moins 5000. Et puis après, il y a 500, entre 500 et 1000 qui restent, quoi. Mmh. Voilà. Bah, ça dépend vraiment des ouvriers communaux, des gens, parce que bon, quand c'est tout petit, on peut croire que c'est une mauvaise herbe. Est-ce que le collectif Brussels Farmer, on peut dire qu'il fait partie de l'international Guérilla Gardening ? C'est un mouvement citoyen d'embellissement de la ville ? Est-ce que c'est de l'activisme politique ou un peu des deux ? Qu'est-ce que c'est ? Nous, on considère que c'est un acte citoyen. Donc, c'est en fait de faire prendre conscience aux gens de ce qui les entoure et surtout de prendre soin de leur environnement. Et, parce que, bon, on peut pas nier que la plupart des petits lopins de terre ici à Bruxelles sont utilisés pour les chiens, pour faire leur déjection ou simplement pour amasser des sacs poubelles le jour des poubelles, quoi. Mmh. Donc, l'idée, c'est que les gens embellissent ces petits espaces qui sont en fait abandonnés, quoi. Et puis l'idée est aussi d'interpeller, j'imagine, les pouvoirs locaux sur la nécessité d'embellissement. Oui, ça c'est évident, quoi. C'est vrai que la ville est très grise et qu'on a besoin d'une petite touche de couleur parfois pour surmonter le moral et puis simplement parce que c'est joli et que c'est une plante positive, quoi. Vous choisissez des endroits bien précis. Est-ce qu'il y a un plan d'attaque préparé à l'avance où vous repérez les coins où planter ? Bah, par expérience, on sait les endroits où ça fonctionne bien, où les ouvriers communaux ne passent pas par la suite pour enlever tout. Et puis, il y a d'autres endroits où, on sillonne Bruxelles. Donc, c'est sous forme de balade, si on veut. Donc, chacun va vers où il veut. Moi, par exemple, dans mon groupe, nous sommes partis du côté de Saint-Gilles et nous sommes remontés vers la place Flaget. Voilà, il y a d'autres personnes qui sont parties du côté de Scarbeck et aussi dans d'autres villes, parce que certaines personnes... se procurer elles-mêmes des graines et font ça de leur côté. Donc, Comment sont reçues vos opérations de plantation improvisées comme ça dans la ville par les autorités ? Parce que j'imagine que vous ne vous cachez pas, donc c'est quelque chose qui est connu. Connu, je ne sais pas, mais en tout cas, on a déjà pas mal croisé d'ouvriers communaux, même la police. Et à vrai dire, ils prennent ça avec le ton du sourire, donc il n'y a pas vraiment de... Normalement, c'est un peu, entre guillemets, illégal. On devrait normalement poser la question, mais d'une manière générale, c'est assez positif, quoi. On nous laisse faire, en tout cas. Alors, si on voit des tournesols qui poussent un petit peu de façon improvisée dans la ville à Bruxelles. Ben, on sait que c'est vous, les Brussels Farmers, et on peut voir certaines de vos photos, certaines de vos actions sur un blog, brusselsfarmer.blogspot.com. Oui, c'est ça. C'est un blog où vous publiez vos différentes... C'est un carnet de route, quoi. Donc, toutes les plantations qui ont lieu, les photos des années précédentes, tout ce qui est communication avec les médias, tout ça est repris dans ce blog. Voilà, je vous rappelle l'adresse de ce blog, www.brussels-farmer.blogspot.com. C'est une adresse que vous retrouvez sur la page Facebook de l'émission ou sur le site lapremière.be sous l'onglet Cocktail Curieux. C'était Christophe, donc des Brussels Farmers, au micro de Xavier Van Bugenhout. La première, podcast.